بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجن أب أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره واكتفى. إذن يعني أخذنا ما يتعلق بالعلام المؤنث، وكان فيها في ذلك بعض عصرة وخطا المؤنث كيسك نوعا فعلا في ذلك يكون حال المؤنث المؤنث العالم المؤنث المؤنث لغوي، يعني ما يقبل تنوين ساسي نخيل المعنوي Yeah. والمعنوي فحسب. Yeah. On a vu que العالم المؤنث donc le nom propre féminin il pouvait être de deux manières. Soit يعني لفظي معنوي مثل عائشة. عائشة c'est un nom propre qui est utilisé pour une femme. تمام؟ C'est-à-dire من حيث المعنى il est utilisé pour le sens, il est utilisé pour une femme. واللفظ كذلك parce qu'il se finit par un terme مربوطة. Et ça c'est من علامة التأنيث qui fait c'est un signe parmi les signes qui prouve que la kalima يعني elle est مؤنثة لفظيا يعني au niveau de l'oral elle est considérée comme يعني un mot féminin il se finit par la terminaison c'est par un تمرد. On a vu كذلك le مؤنث ou العالم المؤنث il peut être كذلك ايش لفظي بس ou معنوي اقصد il peut être que معنوي sans être oralement يعني féminin comme on a vu avec زينب هند مريم. Tous ces prénoms-là, ce sont des prénoms féminins, ma'nawi, la lafzi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une terminaison qui se finisse par le thème arbota. On avait dit juste, ils prennent pas de tanwin. Que ce soit lafzi ma'nawi ou le ma'nawi, faqat, les deux ne prennent pas de tanwin. Ça, c'est une règle. On va le voir, Inch'Allah, dans le Mamna'u Nassaf. Mais pour quelle raison ils ont désolé les grammairiens qu'ils ne mettaient pas un tanwin, ils ont ramené une raison par rapport à cela, ou bien deux raisons. مذكر محمد بدون تنوين حمزة مثلا حمزة تجي حمزة تجي با حمزة بوركو سكو مالبوغ ان شاء الله باسكو لفظي مؤنث لفظي مؤنث لفظي اما معنوي انت با فاهم فين فهم حمزة كموسى ان فات لي بخينو كي سون با ارابا لا با وا سا اوسي سي نوت كوز يعني كي فيك مثلا ابراهيم تجي با ابراهيمون ويونس تجي با يونس فوكا كما هو سي ان بخينو اي ان بلوس سي اعجمي دونك لوسكو تي تروف سي دو كوز لا اون فا فوار سي دي شوز كي فون كو اي لي ممنوع من التنوين اون فا التنوين تمام يا دوك حصص ابن نصر ان شاء الله ممنوع من النصر شبابنا يعني لي كوز بوركو يعني لا تيرمينيزون سي فيني با يا با التنوين ان شاء الله سي با سي دون تمام من كل حساب نصر Comme il y a des causes, il y a plusieurs causes par rapport à cela. Et parmi les causes, ça, il y a le fait que le mot, ce soit un alam ou un nath. Qu'il soit un alam et qu'il soit un nath. Donc on avait dit, kadalika, il fallait, il y avait deux conditions qui doivent être respectées pour que le mot, il soit. أن يكون عالما par rapport à le fait que ils prennent pas de tanwin à la fin أن يكون عالما parce que مثلا tu prends l'offre d'année البقرة البقرة آية 9. ولو كان مثلا مختوم ولو كان مختوما بالتأنيث تاء مربوطة الفيديو ما سي جامي فيني باغ تاء مربوطة ça fait pas de lui qui prend pas de tanwin. Pourquoi? Parce que c'est pas un nom propre. Hein? Tu dis Baqaratun, tu dis pas Baqaratun. Au contraire de مثلاً Fatimatu, tu mets pas de tanwin. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. Hein? Et Mu'annath. Quel est Mu'annath, je veux dire? Qui soit Mu'annath. Parce que مثلاً ça peut être un nom propre. Muhammadun, mais il est pas féminin. Donc tanwin il reste. À partir du moment que c'est un nom propre et qu'il est féminin, khalas, il prend pas de tanwin. Qu'est-ce qu'on avait dit? S'il ne prend pas un nom propre. Hein? Ouais, nom propre, ils appellent ça. Non, nom propre, c'est. Alam. Hein? C'est en français, si je me souviens. Nom propre, c'est ça. Nom commun, c'est tout ce qui est en dehors de nom propre. Prénom, regarde. Tu vois? Donc, il faut que ce soit un prénom et soit féminin. On dit ça en arabe, c'est ça que je n'ai pas compris. Naw'un min anwa'il ma'arifi, wa huwa a'rafu min al-mu'arrafu. Al-Mu'arraf bil-Al, non. On a dit que c'est une catégorie, yani Al-Alam, c'est une catégorie parmi les catégories des noms définis. Une catégorie, parmi les catégories, on avait dit, il y en avait 7. Donc c'est une catégorie parmi les noms définis, et il est plus défini que celui yani, qui a un L. Mathalan, un lieu connu, ouais. Du style Mecca ou tout ça. Est-ce que... C'est Mu'arraf. Ah. C'est quoi ça, Mu'arraf? C'est défini. Un nom défini. Tamam, مثلا, je dis Muhammadun. Et je dis Al-Akh. Tamam, Al-Akh, il s'appelle Muhammad. Le fait que je dis Al-Akh, ou bien je dis Muhammad, yani, par lequel des deux il est plus défini? Muhammad. Pas Muhammad. C'est Mu'arraf. C'est pour ça qu'ils disent, yani, Al-Alam, il est plus défini que Al-Mu'arraf bi-Al. Tamam, il y a des paliers au niveau du défini. Le plus, il y en a le plus grand, il dit c'est Allah, l'Ordre du Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le plus défini. Ensuite, comment s'appelle les prénoms, les damaya, les pronoms. C'est tout, je crois. Hein? C'est tout ce qu'on a eu, Bess? Ouais. Tiens, t'as arrêté où, au niveau de la Aïcha? Là, on doit reprendre ici, là, l'université de tout ça, là? Ouais. Le B? Ouais, donc c'est compris. Là, qu'est-ce qu'il a, nous a, il a voulu nous faire comprendre dans cette leçon-là? Ah, il y a deux types de prénoms. C'est pas tout prénom qui est mamnou' min sarf. Mais tout prénom, il est défini. Et il est plus défini que El, qu'on a pu voir avant. Yani El Bayt. Maintenant, El Akh. Mohammed, c'est plus défini que El Akh. Voilà. Il y a des temps, il y a des prénoms qui sont féminins et ceux qui sont masculins. Comment s'appelle masculin? Hein. Ceux qui sont féminins, ils sont tous. Il y a même un sarf. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions qui sont réunies dedans, c'est que ce soit un prénom et deuxièmement qu'il soit féminin. Amma les prénoms masculins, comme on va le voir, la base, il y en a ou bien la plupart, ils sont, ils prennent un tanwin, sauf si. Comme on va le voir, Inch'Allah, mais ce n'est pas le cas de la leçon. Si jamais ils prennent un tamarbata, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura une ressemblance avec le mu'annath, tu vois, les prénoms qui sont féminins, lorsqu'il y aura une ressemblance oralement, ben, il prendra le même jugement que le prénom féminin. Mithlo Hamza. Hamza, il dit c'est un mu'annath lafzi. Pourquoi oralement il est prononcé comme un prénom féminin, c'est-à-dire défini par un tamarbata. C'est pour ça qu'il n'a pas pris. De Tanwin. Ça va venir, Inch'Allah. Vas-y, on va lire. Qala waffaqahu Allah. Al-Bayt. Donc le petit B. Là, dans l'exercice, le petit B. Qala al-Bayt. Min al-Bayt. Ah non, ça. Bon, on verra à la fin. Al-Bayt. Min al-Bayt. Al-Masjidu il al-Masjidi. Donc là, il nous fait faire rien de nouveau Harf Jar. On avait vu deux précédemment, c'était Ala et Fi. Cela on les avait notés. Donc Min et Ila, Kazalika, ça fait partie des Huruf Jar. Des Huruf Jar, c'est-à-dire qu'ils auront la particularité lorsqu'ils vont rentrer dans un nom, ils ne peuvent que rentrer dans un nom, comme on a dit. Tam, ils vont rendre la fin voilà, du mot. C'est ça qu'il faut utiliser. On dit il va être Majrour. Majrour. C'est-à-dire qu'il va subir l'action du Jar. Le jar, c'est quoi? C'est qu'il va se finir par une terminaison bien particulière qui est al-kasra, ou kasraten, ou manaba anhuma, ou ce qui remplace les. Ce qui remplace les kasra. Donc c'est faux de dire, il y en a le mot, il est maksour. C'est faux de dire ça. Non, c'est pas ça, c'est que ça veut dire qu'il se finit même s'il se fait une terminaison par. C'est-à-dire c'est le mot qui se finit par une kasra, kasraten. C'est-à-dire que c'est faux, pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui ne se finissent pas par qui le harf dire les ramdadan, mais tu vas dire al-qawaid. Mathalan qawaid. Masajid. Fi masajid. Tu vas dire fi masajid, laisse fi masajid. Ça va venir pourquoi? Parce qu'il y en a règle qui fait gagner, il y a des choses, c'est même normal ça. Ça, il y en a une leçon qui est bon, qui est Inch'Allah qui va venir. Et qui dont il traite Yanné. Et qui traite que de ça. Donc là, Inch'Allah, on va voir min wa ala. Ou min wa ila. Par exemple, une phrase en arabe, la traduction en dessous, parce que des fois je me réveille, je comprends pas, tu vois. C'est pour ça le mieux c'est quoi? Dès que vous l'avez écrit, moi je vous le lis, je vous la fais comprendre en arabe et toi tu mets un grand papier en dessous. Moi je te déconseille, enfin dans le sens où. Ouais, non. Le truc c'est quoi? C'est que réécrire en français derrière, te prends pas la tête à faire ça. Mets les mots que tu comprends pas, ou mets une. Comment ça s'appelle? Tu t'apportes, il y en a la définition de toi ce que tu comprends pas. Maintenant le mot, on va dire, je sais pas, maintenant, qawa'id, tu comprends pas le mot qawa'id, écris en dessous, règle. Si t'as compris ce qu'il y a avant, khalas. Laisse-le avec ta compréhension arabe. Voilà. Plus t'avances et plus essaie de laisser le français, tu vois. C'est-à-dire au niveau de la compréhension de ce que toi t'écris. Moi je te conseille d'écrire en dessous maintenant. Kawarit, règle. Hatta les mots, tu vois. T'écris juste les mots en dessous qui vont te faire comprendre et aller là. Moi je te conseille de faire comme ça, tu vois. Après si tu veux réécrire, écris-le, tu vois. Ça va être plus long. Et je pense que le fait juste que tu marques. Comment ça s'appelle le mot qui est en français, tu vois, qui doit être utilisé pour le français, employé pour le mot que tu comprends ou pas. Oui, je suis sûr. On avait écrit Nam. Min wa ila. Donc. Khalas. Izan, Yanné, contentez-vous de ce qui a été écrit. On a écrit par Izan. Donc, min wa ila, comme on avait dit, c'est un harf al-jar. Ça, c'est mutafaq alayh. C'est un harf al-jar, laha ma'ani. Il a plusieurs sens. La hamarani, donc reprenez le cahier où vous l'avez écrit. Normalement, vous l'avez écrit. Essayez de le retrouver, si jamais tu le retrouves, comme ça, tu m'en sauces. Il a min. Min ou ila. Tu l'as trouvé? C'est les deux, là. Tu l'as? À toi. Min ou ila. Hein? Tu l'as? Alors, khalas. Donc maintenant, là, ce que toi, tu ne comprends pas, prends un crayon papier, écris en dessous. En fonction de ce que tu comprends pas. Min. Non, ça va. Voilà. Harf jar. Mais je m'en Harf, c'est une particule. Jar, c'est ce qui va rendre le mot à la fin. Yanné, tu ne veux pas le conjuguer. Ça, tu ne veux pas l'expliquer, tu vois. Tu vas changer sa terminaison avec une kassara, kassaraten, ou ma'ana ba'anuhuma. Soit une kassara, soit deux kassara, c'est-à-dire le tenu avec la kassara, ou bien la chose qui va remplacer la kassara. Il y en a plusieurs choses. C'est pour que tu te dises, il y a que c'est le mot qui, dans lequel min ou bien le harf jar est rentré, c'est pas forcément qui se finit par une kassara. Ça peut être aussi d'autres choses comme on a vu fi masajida. Le mot est majrur, lakin alamat jarrihi, yani le signe qui montre qu'il est majrur, c'est pas une kasra, une kasratin, mais c'est une fatha qui remplace la kasra. Pourquoi? Parce que c'est un mamnou min as-sarf. Ça va venir inchallah. Donc il y a d'autres choses qui remplacent le kasra ou kasratin. Donc là il a plusieurs, comme on a dit, lahu ma'ani, rahmakallah, harf yani min laha ma'ani, et parmi ces ma'ani, c'est quoi? Bayan al-jins. C'est-à-dire que ça nous montre le genre. J'ai marqué les bayan al-jins. C'est ce qui nous montre le genre. Et bayan, c'est le fait de montrer une chose. Ou al-jins, c'est le genre. Mathalan, taqul, min ayna anta. Et tu cherches à savoir, yani, de quelle nationalité il est. Donc tu cherches à savoir le genre de cette personne-là. Donc tu emploies pour cela min. Min ayna anta. Ça peut être utilisé aussi, comme on va le voir, mais je ne pense pas que c'est le but dans le son. Yani, de l'endroit, yani, du départ où tu es parti. Min ayna zahabta. C'est-à-dire, ton départ, elle a commencé à partir d'où. Fahimtum? Lakin, le sens qui est employé ici, qui est dans le son numéro 4, c'est celui qui est utilisé pour يعني redécouvrir le genre d'une chose. من أين أنت أخي؟ أنا من ال من مثلا من الساحل العاج. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ça nous montre يعني ساحل العاج. ساحل العاج. ساحل c'est la côte. العاج c'est l'Ivoire. Ivoirien. العاج c'est l'Ivoire. En arabe. تمام؟ Donc vous avez compris ? هي لبيان الجنس. Onas, dans le texte là qui a été utilisé, il y a plusieurs sens, hein. Mais dans le texte là, elle est employée pour découvrir le genre d'une chose. Ça va ? Et ila kadalika. Et là, comme on a pu le voir, kadalika c'est min al-huruf al-jar. Et la ma'ani minha yani nihayat al-shay, al-intiha. مثلا اقول ذهبت من المسجد الى البيت. C'est-à-dire que mon parcours il s'est fini, il s'est terminé où ? À la maison. Je suis parti d'un point pour aller à un autre. L'autre, l'endroit par lequel, dans lequel il se finit ton parcours, si jamais tu veux utiliser le harf al-jar, tu dois utiliser ila. Et pour que tu fasses comprendre à la personne que ton parcours est fini à cet endroit-là. Tu vois. Donc de ce point-là, ça c'est le départ. Min al-masjid ila al-bayt. Mon départ, il a commencé de la mosquée et s'est terminé ou à la maison. Donc ila. Il est employé pour des choses, pour comment ça s'appelle, définir un endroit où c'est terminé, il y a une chose. Et voilà. كما في سورة الإسراء تبارك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام دونك سا كومونسي دو مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعني دونك son voyage nocturne s'est terminé où مسجد الأقصى. Si une personne vient, elle dit non, c'est terminé, une autre chose que ça, tu dis c'est pas possible. Parce que il a été employé pour la fin de parcours, et la fin de parcours, il s'est dit où ? Il s'est terminé où ? Là, c'est de l'accent. Mais il a, tu peux l'utiliser aussi pour ça ? Non, il a, là c'est une autre chose. Là c'est il a, puis donc il a. Il a, ça c'est pour normal. Il a pour faire une exception à une chose. Il a. Allah, turja al-umur. Les affaires se terminent vers Allah Azza wa Jalla. On peut utiliser vers Allah. Il n'y aura pas une autre personne autre qu'Allah Azza wa Jalla vers laquelle nos affaires vont se conclure. Elles reviennent vers Allah Azza wa Jalla et non vers une personne d'autre. Donc il y avait min ou ila. Ça c'est compris. Donc la règle c'est la même chose. Lorsque min ou ila, il y a trop l'un fait l'ism. Et il peut que rentrer dans l'ism, comme on a pu voir, parce que c'est parmi les signes particuliers du mot, du nom. Du mot, comment regarder le nom. Si à partir du moment qu'il rentre dans ce mot-là, khalas, tu peux déjà porter un jugement à ce mot-là que c'est pas un verbe et que c'est ni un harf, abedan. C'est un mot. Ça va ? Donc ça, c'est compris, Inch'Allah. Mino et là, ça. Comprenez le sens et sachez que là, il va changer la terminaison du mot. T'as vas-y, on lit, Inch'Allah. Il nous dit Al-Mudarris, ma'rouf, le professeur. Min aina anta. Est-ce que c'est ça? Min aina anta. D'où est-ce que tu es? Donc il cherche à savoir quoi? La provenance. Yani le genre de cette personne, sa nationalité. Hein? Il dit Muhammad, donc la personne à qui elle a été posée la question, Ana min al-Yabani. Je viens du Japon. Japon. Hein? Regardez, il a bien dit. Minal Yaban. Attention le ton pied. Minal Yaban. Min. Hona. Donc ça s'est fini par quoi? Par une kasra. Parce qu'il est majoron. Minal Yabani. Il n'a pas dit Minal Yabana ou Yaban. Non. Ni. Labout. Parce que Min il est rentré dedans. Donc Ana. On va le voir à la fin. Ana c'est pour utiliser. On va le voir en Inch'Allah. C'est un damiel. Qui est utilisé pour le mutakallam. Al-Mufrad. Je. En français. On va l'écrire ça à la fin, Inch'Allah. قال ومن أين عمار. Et d'où il vient عمار, la même chose. قال محمد هو من الصين. هو نعم. Là, le but, c'est qu'il est en train de parler pour une autre personne. Soit il prend la parole de ce. Il parle pour cette personne-là, ou la personne-là, elle n'est pas présente. Comme on a pu voir. Donc là c'est utilisé, c'est un damer qui est utilisé pour l'il-ghaib, al-mufrad al-ghaib, pour dire il en français. قال ومن أين حامد. D'où il vient Hamid. قال هو من الهند. Il vient de l'Inde. قال أين عباس. أين on a pu le voir ça. Hein? On l'a vu Aina, ça. Aïna, on l'a pas vu ? On l'a vu, hein ? Aïna, on l'a vu. Ouais. C'est pourquoi, Yannet Astafhem ? Non. Eh. On l'a vu, ça, c'est pourquoi ? Yannet Astafhem, Aïn ? Al-Makan. Et dans quel endroit il se trouve ? La hamahani, lakin, parmi ces sens-là, qui est voulu ici, c'est Yannet Ismoustifhem, Anil, Amkina. Aïna Abbas, quel endroit ? Qala Muhammadun Kharaja. Il est sorti. Ça, c'est un verbe, on va voir, Maadri. قال يعني المدرس أين ذهب بك نطخ verb ماضي يعني pour exprimer une chose qui s'est déjà passée أين ذهب il est déjà parti لكن il veut savoir dans quel endroit il n'a pas demandé à quel endroit ou à quelle heure plutôt il demande l'endroit أين ذهب d'où il est parti قال ذهب إلى المدير il est parti voir le directeur ou celui qui est l'administrateur. Tu peux dire ça aussi, Al-Mudir. Ani Al-Ladi Biyadihi Al-Idara. C'est lui qui administre. Qui administre. Gérant. Donc, Zahaba Ilal Al-Mudiri. Donc, son Zahab Intaha Il-Mudir. Il n'est pas parti vers une personne autre que Al-Mudir. Qala wa Aina Zahaba Aliyun. Où est parti Ali. Qala Zahaba Ilal Mirhadi. Il est parti au WC, aux toilettes. Ils disent Al-Mirhad. C'est tout ce qui c'est l'ensemble de ça, ou l'endroit où tu as trouvé les, la cuvette avec le lavabo. Normalement, il n'y a pas de lavabo dans les toilettes. Hmm? C'est pas de lavabo dans les toilettes. Pourquoi il n'y a pas de lavabo dans les toilettes ? Normalement, tu vas aux toilettes, il n'y a que les toilettes. Quoi, ouais, c'est pour ça que eux, le mirhad, c'est un ensemble. C'est l'endroit où tu te fais la tête à douche, c'est l'endroit où tu fais tes besoins. Tu vois. Et ils disent Al-Kanif. Al-Hammam, non, ça. Al-Hammam, hatta al-Hammam, c'est là où tu vas les bains de douche, là, comme ça s'appelle ça. Là. C'est les bains de douche, c'est ça ? Ou c'est, tu te laves avec l'eau chaude comme le sauna. Ah, c'est ça le hammam. Tu vois. Dans le langage arabe, c'est le hammam. Le hammam en français. Après, ils l'ont utilisé pour les toilettes et tout ça. Tu vois. Mais sinon, il y a les toilettes, c'est-à-dire là où tu fais vraiment juste tes besoins, ça s'appelle Al-Kanif. Hein? Al-Kanif. Al-Kanif. Ouais. Là, c'est là pour un endroit pour les toilettes. Tu vois. Al-Mirhab, c'est un ensemble. Hatta même comme c'est dessiné là. Tu vois. Ils t'ont mis quoi, la cuvette, ils t'ont mis le lavabo. Donc, il y a les notions et les points qui sont évoqués dans le Dars. Et il y a plusieurs choses, il y a une nouvelle. Il y a, comme cela, il y a Huwa, Ana, deux verbes qui ont été utilisés, c'est Kharaja wa Zahaba, et Hiya, non, c'est pas utilisé Hiya. Non, c'est pas Hiya. La clé dans les exercices, Allah Alam. Je crois la clé dans les exercices. Mirhab, donc c'est. Mirhab, hein. C'est combiné, c'est les deux. Et la personne, si tu lui dis Mirhab, c'est pas faux, il va comprendre les toilettes, lui. Même si c'est incombiné. Hatta, même si c'est Hammam, il va comprendre. Et le Hammam, qui est normalement utilisé pour les bandeaux, il va comprendre que c'est en train de parler. Yahya Kazadeka, parce qu'il pose la question dans les exercices. Amina, tu fais le refrain ? Là. Aïna, Amina. Lorsqu'il dit Aïna, Amina. Donc toi tu réponds, quand tu réponds tu vas dire Hiya. Donc même s'ils l'ont pas mis là, Hiya Katalika, ça fait partie de la leçon numéro 4. Donc Inch'Allah on va écrire les points qui sont nouveaux, les points de grammaire qui sont nouveaux dans la leçon numéro 4. Donc le premier truc c'est Ana. Lorsqu'il dit Ana minasina ou mana minaliaban. Donc Ana, octobo Ana. Ana c'est un damer monde facile, l'il mufarad al-mutakallim. Un damer c'est un fait dire un prénom. Comment ils appellent ça les deux pronoms personnels. Il y a pas besoin que c'est un pronom personnel. Damirun munfasil lil mufrad al mutakallim mutakallim. Donc damirun munfasil, c'est-à-dire un pronom personnel, munfasil qui est détaché. Parce qu'on va voir les pronoms personnels se divisent en deux catégories. Une catégorie qui est attachée au mot, une catégorie qui n'est pas attachée au mot. Celui-là, il fait partie des catégories des pronoms personnels, des dama'ir, qui ne peuvent pas être attachés. Là, il y a un fasil, là, il y a un tassil. Un édamir, un monde fasil, et qui n'est pas attaché. Donc, ana, pour dire je, il est utilisé après, kazalika, parmi les pronoms, anta. Hein, il est utilisé, anta. Donc, c'est la même chose. Damir, un monde fasil. Damir, un monde fasil, pareil. L'il mufarad. C'est-à-dire que tu n'utilises pas pour un jam. Et tu n'utilises pas aussi Katalika pour le duel. Tu utilises pour le singulier, Anta. Et celui qui est du genre masculin. Au Mukhatib, c'est celui à qui tu portes le discours. Et Anta min al-Hind, أنت مسلم؟ tu parles à quelqu'un. Al-Mukhatab, c'est-à-dire celui à qui le discours est adressé. Amma sharati al-Bani Kasra, Mukhatibi, c'est celui qui fait le discours. Mukhatib, Al-An, je suis en train de parler, là je suis à Mukhatib, parce que je parle à d'autres personnes et c'est moi qui parle, tu vois. Je suis Al-Fa'il, c'est moi qui fais l'action de parler. Tandis qu'Al-Mukhatab, c'est celui, celui à qui le discours il est adressé. Al-Mukhatab. Donc, Anta, tu utilises. Lorsqu'il est seul, genre singulier et masculin. Tu diras, et que tu veux lui porter le discours, lui aviser un discours, tu dis Anta. Tamam. Parmi les damaires qu'il a mis aussi, il y a Hua. Et il y a Kadalika Hiya. Donc, une chose à apporter aussi, c'est que Ad-Dama'ir, donc les pronoms personnels, sont plusieurs. Parmi eux, Anta, Ana, Anta, Hua, Wahia, comme on a pu le voir. Donc, Ad-Dama'iru Nour'un Min Anwa'i Al-Ma'arif Wahua, Wahia. Il est marqué Wahua ? Wahia, enfin. C'est Dama'ir. C'est Dama'ir. C'est pas Dama'ir. Wahia. Donc, Ad-Dama'ir. Wahia. A'rafu. المعارف بعد لفظ أو لفظ عفوا لفظ الجلالة كي الله عز وجل après c'est écrit هي وهي أعرف المعارف كي le nom qui est le plus défini parmi les noms. Ad-Dama'ir, c'est la chose qui c'est plus défini que le nom personnel. Parce que lorsque tu dis Mathalan, Mohamed, hein, et tu dis Anna, Mohamed, ça peut être Mohamed Fulan, ça peut être un autre, ça peut être Kada. Amma Anna, c'est que moi. Donc je suis encore plus défini que si jamais je me définissais par mon prénom. Je dis Anna. Parce qu'Abdallah, il y en a plusieurs. Après, Ad-Dama'ir, entre eux, Kadalika, il y en a qui sont plus définis que certains. Parce que Mathalan, tu dis Anna, c'est plus défini que tu dis Hua. Lorsque tu dis مثلا, Anta, c'est plus défini que tu dis Hua. Donc je disais, yani, tu as des tranches dans les prénoms personnels. Celui qui est le plus défini, c'est les damer al-mutakallim. Ana wa nahnu pour le pluriel. Ana wa nahnu. Ensuite, tu as ceux qui sont yani, utilisés pour le mukhatab, pour le discours. Anta, antuma, anti. C'est moins défini que ce qui est utilisé yani, pour sa propre personne. Ou pour les propres personnes. Nous, nous. Ensuite, tu as les pronoms personnels qui sont utilisés pour Al-Raïb, ceux qui ne sont pas présents. Yani, hum, hun, hiya, hua, huma. Tu vois. Ça, c'est le troisième palier. Hum, c'est quoi hum, c'est pour dire eux. Je n'ai pas compris ta regardez. Tamam. Ad-Dama'ir. Ad-Dama'ir, donc les pronoms personnels. Une catégorie parmi les noms définis. Wahia, donc Ad-Dama'ir, donc les noms personnels. Wahia A'raf al-Ma'arif. Ce sont les noms qui sont les plus définis après le nom d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que le plus défini, c'est le nom d'Allah et c'est nom Allah Azzawajal. Ensuite, c'est les pronoms personnels. Je veux dire les pronoms. Celui-là ? Ouais, on a fait. Où ? Celui-là ? Le nom de. Le nom illustre. À la Kullahad, lorsqu'ils utilisent ça, là c'est en arabe, lorsqu'il dit Lafdul Jalal, là, il voyait par là, Allah Azza wa Jalla. Donc, Yani Al-An, on a vu trois choses parmi les catégories des noms définis. Qui c'est qui se rappelle des trois ? Ah, on a vu trois catégories parmi les catégories de noms définis. On a vu le L. L. Al-Mu'arraf bi al-A. Al-Mu'arraf bi al-A. On a vu le prénom. Al-Alam. Al-Alam. Les noms propres. Et le dernier, Ad-Dama'ir. Les pronoms personnels. Parmi ces trois-là qu'on a pu voir, le plus défini c'est quoi ? Ad-Dama'ir. des pronoms personnels. Ensuite, al-alam, c'est-à-dire le nom propre. Ensuite, al-mu'arraf bi-al, qui est, on va le voir, qui est le dernier palais d'air. Bien sûr. Non, parce que maintenant tu dis Mohammed. Tu t'appelles maintenant Abou Qais. Ou plutôt Sami. Le fait que tu viens, tu dis Sami, il a dit. Et que tu dis Ana Kulto. Sami, il peut y en avoir plusieurs, mais Ana, il peut y en avoir qu'un. De toute façon, tu parles de toi, mais le fait que tu dis Sami, ça portait un. Ça ouvre la porte à d'autres Sami. Ah, mais tu dis Ana, il ne peut pas dire qu'il a voulu dire d'une autre personne que lui. Non, Ana. Je, Ana. Tu parles en ta personne. Donc c'est bon, Inch'Allah. Il restait quoi encore? Et les deux verbes. Kharaja wa zahaba. Hein? Ensuite, parmi les choses qu'ils ont apportées, c'est Kharaja wa zahaba. Donc Kharaja, qui veut dire sortir, wa zahaba, partir. Wa Kharaja, on va le voir, Inch'Allah, c'est un temps de verbe, Yannick, qui est bien pressé, qui s'appelle Al-Madi. Yannick, qui est utilisé pour. Naram exprime les choses qui se sont passées. Les choses qui sont passées. Et comme on va le voir aussi, Kazalika, il y en a pour les choses qui se sont passées, mais pour faire comme si elles étaient passées. Il y en a pour dire que vraiment elle va arriver cette chose-là. T'as donc, vous avez compris ou pas? Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ata amrullahi fala tasta'jil. Là, il nous parle de Yawm al-Qiyamah. Mais il a utilisé Ata, qui est un verbe, qui est un temps verbe. La forme de ce temps-là, c'est le passé. C'est pour dire ça, c'est inéluctable. C'est pour dire, voilà, c'est une chose qui va vraiment arriver comme le passé. Une chose qui est passée, khalas, c'est déjà arrivé. Ah. Là, il nous parle d'une chose à venir et il a utilisé la forme verbale, elle m'a indé, pour nous dire que cette chose-là, elle va vraiment arriver. Comme le passé, et là, lorsque tu exprimes des choses qui sont passées, c'est passé. Elles sont vraiment arrivées. Donc, ça peut être utilisé pour une chose que tu exprimes, Yannick, qui est déjà passée, ou une chose qui est à venir. Mais dans quel but? Pour dire que vraiment cette chose-là va y arriver. Pourquoi? Parce que, comme c'est marouf, les kuffars, ils ont beaucoup réfuté la jugement d'un kafar. Ils ont prétendu que jamais les kuffars, ils n'y seront ainsi. Pour montrer vraiment que ce qu'ils disent, vraiment, c'est une chose, c'est des kadib, et ça va vraiment arriver. Ata amrullahi fala tasta'jil. Venu, est venu le. Amour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, fala tasta'jil. Vous précipitez, pardon. Surat al-Nahl, premier verset. Ah ouais, j'ai posé la colle. Quel verset? Premier, direct. Ata amour Allah fala tasta'jil. Premier. Pardon? Donc, Inch'Allah, on va écrire ça. C'est ça, dans les doigts aussi. On utilise le passé alors que ça va être au futur. Naham. Shafak Allah. Eh, shafak Allah. Yani, tu veux vraiment que cette chose-là, lui arrive? Tu dis pas. Tu peux dire Yashfi Allah. Qu'est-ce que ça guérisse? Parce que. Non, c'est pas le futur, ça. Mais toi, tu souhaites. Lorsque tu dis, maintenant, Aslahak Allah, tu vois, Shafak Allah, Hadak Allah. Pareil, Kadalika, ça, c'est des do'as qui sont utilisés dans le temps verbal qui est mardi. Le love, il est mardi, c'est déjà passé. Mais la personne, là, elle est en train de vouloir une chose qui est vraiment. Il y en a qu'elle soit. Tu souhaites vraiment qu'elle. Il y a plus que ça. C'est-à-dire, quand tu utilises le passé, tu montres vraiment que tu as le yakin, que dans le futur ça va. Kadalika ? Et Kadalika, en fait, c'est pas le yakin, mais le tarjo. Parce que ça peut être khallaf, tu vois. C'est possible que, Annie, Allah, il te. Mais lorsque toi, tu dis shafak Allah, tu as l'intention, vraiment l'intention, que cette chose-là, Annie, elle lui arrive. C'est pour ça que tu utilises yani, le temps verbal qui est mardi, mais tu veux l'exprimer comme une chose qui est déjà passée, qui est déjà survenue. Pour que yani, ça t'arrive kadalika. Ça pareil. Kadalika, même babet doha, ça c'est. Lorsqu'il est utilisé au mardi, il va dire mais comment tu demandes la guérison en employant une chose qui est déjà passée? Donc ça ne veut pas dire que tu ne la veux pas, c'est déjà passé. Tu vois? Ou c'est un truc qui est impossible. Comment tu peux revenir sur le passé? Alors c'est une chose qui est passée, elle est passée. En fait, il y a. Tu peux pas le trouver en français, sauf si jamais tu rajoutes un autre mot qui va le faire quoi. Mais sinon, en lui-même, le terme, il se trouve pas. C'est pour ça que l'arabe, tu peux pas là. Le Coran, si tu vois pourquoi vraiment il est venu dans cette langue-là. Ils peuvent pas venir dans une autre langue. Ah, peut-être. Quand Zahaba ou Kharaja, tous deux c'était quoi? Tu dis, min af'al al-madi. Min af'al, les temps, les verbes. Donc ils font partie des verbes. Les verbes du passé. Min af'ali الماضي. تمام. Ça fait partie des temps. Ça fait partie des verbes au passé. هو ما دل على حدث قبل زمان التكلم. Donc c'est ما دل, يعني c'est la chose qui indique le fi'l al-madi. هو ما دل على حدث, donc c'est la chose qui indique une action. Hadath, une action. C'est une chose qui indique une action qui est survenue avant le moment que la personne parle. Là, je suis en train de parler. Quand je dis Zahaba Muhammad, yani cette action-là, elle est survenue avant que je parle. Zahaba Muhammad, Muhammad il est parti. Là, quand je dis Zahaba Muhammad, yani quand est-ce qu'il est parti, cette action-là, elle est survenue avant que je parle. Dans le passé. Wa ma dalla, ce qui indique ala hadathin, c'est un ha. Hadathin, c'est une action. Il a expiré dans le côté. Al-Hadath. Hein? Al-Hadath, tu veux dire. C'est par rapport à la portée, là. Tu peux utiliser ce que tu veux. Quand tu dis lorsque l'imam dit Amin, dites Amin. Quand je dis Amin. Ah ouais. Comment tu veux avec ça, là? Moi, j'arrive jamais à trancher bien. C'est-à-dire? Parce que là, il dit Amin après l'imam, et là, il dit en même temps. Le hadith, il est clair. Il a dit à l'imam Amin, qu'est-ce que ça veut dire? Mithl al-hadith. Non, il ne précède pas. C'est là, c'est pas possible, parce que. Qu'est-ce qui nous prouve? Qu'est-ce qui nous prouve? Regarde, ce qui nous prouve, Awalan, al-Ta'amin, il vient après. Après celui de l'imam, c'est-à-dire celui qui est précédé, il doit dire Amin après que l'imam l'a dit. Pourquoi? Parce que Awalan, si jamais toi tu le fais précéder, tu as khalif le hadith qui dit Inna maju'a l'imam yutamma bih. Fala tataqaddamu alayhi. Ne précédez pas l'imam. Il a été placé pour que vous le suivez. C'est la même chose que le hadith lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Fa'idha kabbara fa'kabbiru. Lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir. Lorsqu'il dit Allah Akbar, dites Allah Akbar. C'est-à-dire quoi? Fa'idha qala, fa'idha kabbara. C'est-à-dire lorsqu'il a fini. Ouais, voilà. Parce que le takbir, c'est quoi? C'est pas que tu dis Allah. C'est lorsque tu dis Allah Akbar. C'est-à-dire qu'il a fini cette formule. Lorsqu'il a fini, dites-le. La même chose. Lorsqu'il a dit Amin, qul Amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika. Si jamais son ta'min, c'est-à-dire à lui, il a correspondu avec ceux des mala'ika, refera-hum à taqadda. C'est le ta'min, il faut qu'il corresponde avec ceux des malaïka. Si jamais ils l'ont dit en même temps, refaire lahu, ma taqadda min zambi. C'est-à-dire que toi, tu le viens juste après. Dès qu'il a dit Amin, tu dis Amin. Ça, ton ami, c'est que tu le dis après. Tu peux que le dire après. Parce que si tu le dis maintenant en même temps, on va dire c'est quoi, Dalil? Non, mais wa dalin, dit Amin. Fakul Amin. Ma'na dalika, c'est que l'imam, c'est pas wajib alayhi qui dit Amin. Parce qu'il finit la fatiha. Ah ouais? C'est ça le truc. Parce que pourquoi t'entends pas si l'imam dit Amin? Normal, il doit se le dire. Des fois, même, ils le disent longtemps aussi, t'as pas le temps de le dire après. Tu dis quoi après? Tu dis qu'il est venu. Non. Il m'a affiché dans toutes mes yeux. Non, parce que tu vas dire, dis-lui la même chose. Lorsque l'imam. Dis après, parce qu'en plus, moi, je suis la fatiha, faut que je la dise derrière l'imam. Dis-lui, donc ça veut dire que tu es obligé. Lorsque l'imam il dit Akbar, tu dis en même temps. Allah Akbar, tu dis en même temps. C'est pas possible, c'est trop dur. Quand est-ce que tu vas sortir derrière l'accord? Tu peux pas. Tu es obligé de venir après. À moins que tu es comme ça, là, tu peux pas le guetter. C'est derrière lui. Tu vois? Il va dire Amin, c'est obligé, quoi qu'il en soit, que ton Amin il vient après. Toi aussi, tu dis pas. Non, c'est pas. Tu dis pas Dalil, tu dis Amin. Non, parce que tu dis, tu récites la Fatiha. Ça, c'est encore plus. Attends, Khalil Havan, venez. Alors, on va rentrer dans les khilaf. Attends. Donc, le fi'l al-madi, on a dit, c'est huwa ma dalla ala hadathin. Donc, c'est ce qui indique une action. Hadath, c'est une action. Qui est survenu avant le moment où tu parles, c'est-à-dire dans le passé. C'est ce qui indique à la hadathin, une action, ou naham, hadathin, qabla, zaman takallam, avant que tu parles. Comment tu reconnais le mardi? Ça, c'est une halama. Toute chose qui est dans le verbe, il est compris l'action, c'est-à-dire zahaba. C'est quoi l'action de zahaba? C'est le fait de partir. Zahaba, son action c'est quoi? Al-zahab, le fait de partir. Kharaja, c'est quoi? Le fait de sortir, le khuruj. Naham, daraba, al-darb. C'est quoi l'action qui est comprise dans le verbe? C'est ça là. Donc ça veut dire que le verbe là déjà, awalan, il faut qu'il y ait doula ala shay. Donc si jamais tu vois un mot qui m'a yadoul ala shay, maintenant al-haf. Tu peux pas dire c'est un verbe. Ala, yadoul ala shay. Ma yadoul ala shay. Il n'exprime pas une action, c'est-à-dire une chose que tu peux faire. Lorsque tu dis maintenant kharaj, tu as fait l'action de sortir, tu as fait l'action de partir, tu as fait l'action de frapper, tu as fait l'action kada. C'est ça le hadith. Ensuite, tu regardes ce hadith là. Quand est-ce qu'il est venu? Est-ce que c'est au moment où tu parles? Est-ce que c'est après que tu aies parlé, que tu vas parler? Ou bien c'est avant que tu aies parlé? Si jamais c'est venu avant que tu aies parlé, ils sont venus, ça s'appelle al-ma'am, chose qui est passée. Voilà. Ça, c'est une alama qui te permet de reconnaître et de différencier. Est-ce que ce verbe-là, c'est un fi'l madi, c'est un fi'l amr, c'est un fi'l naham mudari', comme ça vient. Donc tu sais déjà, toute action, tout verbe qui comprend une action, donc une chose que tu peux faire, si jamais cette action-là, elle est venue avant le moment où tu parles, ça s'appelle fi'l madi'. À partir du moment que tu as connu la définition du fi'l madi', alors, avec cette définition, tu arrives à différencier les autres temps verbes. Donc, kharaja, wa zahaba, c'est deux fi'l madi'. Et on va rajouter aussi la définition. مع تحية دمام.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.